Chapitre 33e. Il était furibond lorsqu'il se présenta au chevet de son jumeau. Ça n'a pas l'air d'aller si mal, frangin. Jérémy, je suis content de te voir. Eh bien, pas moi. Et si je le pouvais, je te flanquerais une sacrée correction. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi es-tu dans cet état-là? Jérémy ne mâcha pas ses mots. Il lui raconta que Marina se suicidait à petit feu. Écoute-moi bien, espèce de... Bref. Si tu ne veux pas lui dire que tu es vivant, je prendrai ta place. Tu entends? Je serai Jason. Je la prendrai dans mes bras, l'embrasserai, la caresserai, lui ferai l'amour, jusqu'à ce qu'elle oublie. Non! Le hurlement de Jason jaillit, puissant, et retentit dans toute la clinique, faisant arriver en toute hâte les médecins, infirmières, ainsi que Robert et Mike, qui se reposaient dans une chambre attenante à celle du jeune homme. Robert entra en trombe dans la pièce. « Que se passe-t-il ici ? » demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Ce qui se passe, » reprit Jérémy toujours aussi furieux, « ce qui se passe, c'est que à cause de lui, Marina se meurt. »« Que racontes-tu là ? La stricte vérité, papa. Elle se laisse mourir. Elle ne mange plus. N'ajoute rien. Je suis allé chez elle. Je l'ai vue. »« Tu l'as vue ? » demanda Jason, les larmes aux yeux. « Tu as fait de l'excellent travail, mon frère. Je t'avais pourtant prévenu. À cette vitesse-là, elle sera morte dans quelques jours. » « Assez, Jérémy, fit Robert. Ton frère n'est pas en état. Et elle, elle est en état? Non, mais je rêve. » Ils en étaient là, tous à s'entre-déchirer, quand Jason reprit. « S'il vous plaît, arrêtez. » Le silence se fit aussitôt et les deux protagonistes le regardèrent surpris. « Jérémy a raison, papa. J'ai décidé pour elle et j'ai fait une erreur. « Décide-toi vite, mon frère. Tu sais que cela ne me déplairait vraiment pas de prendre ta place. « Que dis-tu, Jérémy ? S'étonna Robert. « Rien, papa, rien, » reprit Jérémy d'un ton las. « Que dois-je faire ? À mon avis, lui raconter toute la vérité serait le mieux, tu ne crois pas ?»« Je ne pourrais pas faire ça par téléphone. »« Bien sûr que non. »« Mais enfin, tu sais que je ne peux pas bouger. »« Je le sais. Je peux l'emmener ici et tu t'expliqueras avec elle. »« Cela me paraît une bonne idée, non ?»« Comment vas-tu faire pour qu'elle accepte de te suivre ?» « Oh, je vais seulement lui dire que tu es vivant, que tu as eu un grave accident et que tu veux la voir. » « Comment va-t-elle réagir ?»« Ça, mon frère, c'est ton problème. Mais je ne supporterai pas de la laisser comme ça. Tu as décidé ?» Jason finit par hocher la tête. « Vas-y, je sais que tu as raison. J'ai si peur qu'elle me repousse maintenant que je... « Arrête ces âneries !» dit Jérémy de nouveau en colère. « Tu ne sais pas encore à quel point elle t'aime. Tu es ridicule et tu ne la mérites pas. » Jérémy, le tança Robert vertement, je ne te permets pas de parler comme cela à ton frère. On voit que tu n'es pas à sa place. Figure-toi que j'aimerais être assez à sa place. Assez, tonna son père de nouveau, outré par le comportement de son fils. Arrêtez tous les deux. Jérémy a raison, papa. Je sais qu'il a raison et que sa colère est légitime. Jérémy, qui avait repris ses esprits, se tourna vers le lit. « Excuse mes paroles brutales, mais il fallait que tu le saches. »« J'ai compris, ne t'en fais pas. Je saurai me montrer à la hauteur et puis, si elle se sauve en me voyant, tu pourras toujours la consoler. Tu es stupide, vieux frère. » Il donna une bourrade à Jason qui le fit gémir de douleur. « Jérémy, fais attention, nom d'un chien, » fit Robert. « Ton frère n'est pas en état de se bagarrer. »« Il le sera bientôt, tu verras ce que je te dis. Rappelle-toi mes paroles. » Jérémy reprit aussitôt la route, morose. Arrivé sur Rouen, il prit son téléphone portable et appela Marina. Il était 21h et il espérait que les somnifères avaient été digérés. La sonnerie retentit une bonne dizaine de fois avant qu'elle ne se décida finalement à répondre. « Marina, écoutez-moi, je suis Jérémy. J'ai reconnu votre voix, vous avez la même que... Marina, écoutez-moi, je dois vous parler immédiatement. Ce que j'ai à vous dire est de la plus grande importance. » Rien ne peut avoir autant d'importance que Jason. Justement, il s'agit de Jason. J'arrive tout de suite, et si votre porte n'est pas ouverte, je l'enfoncerai. Marina, vous avez compris? Jérémy, êtes-vous devenu fou par hasard? Oui, c'est possible. Aujourd'hui est une journée où j'aurais pu devenir fou. Bon, Marina, je suis à 5 minutes de chez vous. Je vous supplie de me recevoir. Ça a l'air vraiment important. Je ne vous avais jamais vu dans ce drôle d'état. « Entendu, je vous attends. »« Merci, mon Dieu, » fit Jérémy en raccrochant. « Le plus facile reste à faire et le plus dur à entendre. » Il se gara devant l'appartement de la jeune femme. Prostré au volant, remettant ses idées en place, il fallait pourtant y aller. Il aurait voulu que la situation fût autre, mais il n'en était pas question. Son frère comptait sur lui pour démêler ce sac d'embrouille où il s'était pourtant fourré tout seul. Il n'eut pas besoin de frapper. Marina tint parole et l'attendait. Elle tenait à peine debout, ses forces déclinant. Dieu, qu'il aurait voulu penser à autre chose, il fallait penser à Jason. Elle l'invita à s'asseoir sans le regarder. Elle s'appuya à un fauteuil et... Qu'y a-t-il de si important? C'est très délicat à expliquer, Marina, mais je vais faire de mon mieux. J'aimerais que vous soyez assise. Vous avez peur que je tombe? Je tiens encore sur mes deux pieds, vous savez. Certes, cela se voit bien, ironisa le jeune homme, mais ce que j'ai à vous apprendre va certainement vous perturber profondément, et qui pourrait me perturber plus que la mort de l'homme que j'aimais de toutes mes forces? Rien désormais ne peut m'atteindre. Je n'en suis pas si sûre, et à votre place, en entendant ce que j'ai à vous dire, j'en tomberai certainement assis. S'il vous plaît, Marina, asseyez-vous. La jeune femme s'exécuta en maugréant. Jérémy cherchait ses mots. Lui annoncer que Jason était vivant tout à trac n'était pas forcément la meilleure des choses, mais s'il tournait trop autour du pot, cela ne conviendrait pas non plus à la jeune femme qui s'impatientait déjà. « Jérémy, cela fait 5 minutes que je suis assise et vous n'avez toujours pas ouvert la bouche. Qu'y a-t-il de si difficile à me faire savoir? Parlez à présent. Je suis fatiguée et n'attends que votre départ pour retourner me coucher. Je vous donne 10 minutes et pas une de plus. » « D'accord. Je cherchais juste un moyen pour que la nouvelle que je vous apporte soit moins perturbante, mais je vois que je n'ai plus le choix. Jason est... Enfin, Jason, qu'allez-vous encore m'apprendre? Marina, je vous en prie, laissez-moi aller jusqu'au bout sans m'interrompre. Je vous écoute. Jason est vivant. » Jérémy s'attendait à un cri, mais Marina resta calme. Si c'est une mauvaise plaisanterie, Jérémy, je crois que je suis capable, malgré le peu de force qui me reste, de vous tuer. Expliquez-vous immédiatement. Ce que fit le jeune homme, la mort dans l'âme, voyant la jeune femme blêmir encore un peu plus. Pourquoi? Fut la seule parole qu'elle fut capable d'articuler. « Pourquoi, Jérémy ?» Il lui expliqua en détail. « Je ne comprends toujours pas. Ne m'aimait-il plus ?» demanda-t-elle abattue. « Vous ne comprenez pas, Marina. Il est invalide. Il ne peut plus bouger du tout. Il vous aime au contraire beaucoup plus que vous ne le croyez. Il ne voulait pas être un poids pour vous. » « Un poids, dites-vous. Mais c'est insensé. Je l'aime tellement. Je me moque bien de son handicap. Je pourrais l'aider. C'est justement cela qu'il ne veut pas, et je dois admettre que je le comprends, enfin jusqu'à un certain point. Que veut-il de moi alors? S'il ne veut pas que je l'aide, il ne veut plus que je l'aime non plus. J'ai le regret de vous dire que cela m'est impossible, ou bien il faudra m'arracher le cœur. Où est-il? Pourrais-je quand même le voir? Je n'y crois toujours pas. Vous ne me mentiriez pas sur une chose aussi douloureuse, n'est-ce pas, Jérémy? La voix de la jeune femme se fêla au bord de la rupture. Aussi Jérémy s'empressa-t-il d'ajouter. « Je vous aime trop pour faire pareille horreur. Je peux vous y conduire. Il est à la clinique américaine à Honfleur. Il a déjà dû vous parler de cet endroit. » « Oui, bien sûr, c'est votre père qui l'a construite, mais êtes-vous sûr qu'il... »« Oh oui, il va vous voir. Je crois que j'ai réussi à lui faire entendre raison. Il a bien compris, Marina. Ne vous laissez pas avoir, bien que cela me coûte de le dire. » Il vous aime toujours, et peut-être même plus fort qu'avant. Me laisserez-vous quelques minutes pour me préparer? Bien sûr, prenez tout votre temps. J'apprécierais également que vous mangiez quelque chose. De toute façon, il sait que je vais vous ramener à lui. Attendre un peu après tout le mal qu'il vous a fait ne peut que lui faire le plus grand bien. La jeune femme se leva et pour la première fois depuis qu'il était entré, le regarda. De grosses larmes perlaient à ses paupières. C'est grâce à vous, n'est-ce pas, Jérémy? Il la regarda et elle vit tout l'amour qu'il lui portait. Elle se jeta dans ses bras en sanglotant. Je suis si désolée pour vous. J'ai compris, vous savez. Mais dans mon cœur, il n'y a qu'une seule place et elle est entièrement prise par Jason. Je sais, Marina. Ne vous en faites pas pour moi, je survivrai. Allez vite vous préparer. Doucement, il la repoussa. À tenir contre lui, il lui était si agréable, mais décidément trop pénible. Il n'aurait pu supporter encore longtemps ce délicieux contact. Il se détourna d'elle et s'apprêtant à sortir. Je vous attends dans la voiture. Je vous le répète, prenez votre temps. Faites-vous plus belle encore que vous ne l'êtes déjà, si c'est possible. Ils refirent le chemin en sens inverse. Minuit sonnait quand ils arrivèrent à Honfleur. Vous savez, je pense qu'il doit dormir. Vous croyez? J'aimerais quand même le voir. Je ne le réveillerai pas, je vous le promets, mais il faut que je le voie. Vous voulez vous assurer que j'ai bien dit la vérité? Non, je vous crois, simplement, seulement, je crois que je vous comprends. On y va. Merci pour tout, Jérémy. Je vous en prie, Marina, arrêtez de me remercier. Si vous me connaissiez vraiment le fond de ma pensée, vous me traiteriez certainement différemment. Je ne crois pas. Je sais ce que vous ressentez, et si je me mets à votre place, sincèrement, vous devez souffrir le martyre, je me trompe? Tout à fait, fit-il en la regardant droit dans les yeux. À part un petit détail, je ne souffre pas le martyre, je suis seulement en enfer. C'est un véritable supplice pour moi de vous côtoyer sans pouvoir vous montrer mon amour. C'est ainsi. Il va falloir que j'essaie de m'éloigner quelque temps, comme c'était déjà mon intention avant l'accident. Le seul problème, c'est que plus je m'éloigne, plus je souffre. C'est un cercle vicieux. Marina voulut, dans un élan de tendresse envers lui, lui prendre la main pour le réconforter un peu. Dès qu'elle l'eut fait, elle le regretta presque aussitôt. Jérémy la projeta vers lui et l'enlaça tendrement mais fermement. Fermant les yeux, le jeune homme balbutia. « Il ne faut plus jamais faire ça, Marina. Pour le moment, je suis très fatiguée et j'ai eu tellement peur pour vous, ainsi que pour Jason, que je serais capable de rester ainsi contre vous sans bouger pendant une éternité. Mais si vous aviez fait ce geste ce matin, je n'aurais pu me contrôler aussi bien. » Elle acquiesça seulement sans oser bouger. « J'aime tellement vous sentir contre moi, tout contre moi. » Il baissa la tête, embrassa ses cheveux, puis l'éloigna doucement. Son regard fuyait celui de la jeune femme. « Je vais vous accompagner à sa chambre. » Il tourna les talons sans la toucher et il déverrouilla la porte de la clinique. Ils marchèrent jusqu'au bout d'un couloir faiblement éclairé. Sans faire aucun bruit, Jérémy ouvrit une porte laissant passer Marina. Il murmura. « C'est ici. Mon père dort certainement à côté. Je vais vous laisser quelques instants. »